qu'on parle de ça. Il y a déjà bien longtemps que tu t'éloignes de moi. Ça me fait du mal et tu ne vois pas ce qui ne va pas chez moi. S'il y a un problème, c'est bien toi. Mais à ton choix. Si on s'accordait une...